ou n'importe quoi. Entre toi et moi, un bon son suffit, va. Une fois de plus, on va s'enchaîner sur scène, s'éclater avec un mic ou des lyrics qu'on enchaîne. Pose ta haine ou plus ta rancœur, rancunier, pas la peine, chante avec ton cœur. Trop de messages au sens incompréhensible, chanté par un tas d'imbéciles. À qui vendra le plus de vinyles et deviendra le number one de la ville. Pas besoin de tout cet artifice, nous sur scène on est tous complexes. Pour nos titres je te donne un indice, ça se fume et ça te resserre les vis. Tu m'étonnes, peu importe l'heure et l'endroit. Du freestyle en veux-tu, en voilà des heures. Durant nos textes on déballe, ça fait lever les soirées du bal. Après avoir fumé quelques bédos, l'inspiration monte au plus haut niveau. Sur scène ça devient de plus en plus chaud. Vas-y lâche-toi Momo, écoute, écoute c'est comme ça. Pas besoin de dessin, regarde ça. Obligé on va s'aligner, des balles et claquer, tout claquer. Une instru improvisée, check ça mon gros. 6-0, ça fait froid dans le dos. Des mecs exilés coincés dans une cité, cherche moyen pour s'occuper. Non trouve plus table de mixage et micro au passage. Du coup sur scène ils ont la rage, la haine se lit sur leur visage. Check ça mon gros. Trop de messages au sens incompréhensible, chanté par un tas d'imbéciles. À qui vendra le plus de vinyles.